أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى on poursuit quant à la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et on avait parlé la semaine dernière des deux pactes d'allégeance, d'accord. Donc certains l'appellent le petit pacte d'allégeance, le premier pacte d'allégeance, et le deuxième, le grand pacte d'allégeance. À la kulli hal, on sait que c'est les deux pactes d'allégeance d'Al-Aqaba qui ont eu lieu à cet endroit qui est yani proche de Mecca, qui est Al-Aqaba. D'accord? Bay'atul Oula wa Bay'atul Thaniya. D'accord? Donc on avait parlé de ces deux pactes d'allégeance. Yani, et c'était ce groupe de Médine, donc ces Médinois, qui étaient venus rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam à deux reprises. Donc pour lui prêter allégeance, d'accord, donc de le soutenir, de le protéger, de ne pas voler, etc., etc. C'est tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc il s'était engagé, et le prophète alayhi salatu wassalam, donc leur avait recommandé de s'accrocher fermement à la religion et de transmettre sa religion. Il avait envoyé un compagnon, yani, avec eux. Et ce compagnon, c'était qui ce compagnon? Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait envoyé un compagnon avec eux. En fait, Aïssam, il a envoyé un compagnon ou pas? Saad ibn Mu'ad. D'accord? Donc ici, le prophète Aïssam, il a envoyé donc un compagnon pour soutenir yani, ce groupe de Médinois qui sont venus yani, prêter allégeance au prophète Aïssalatu wassalam. Et la da'wa a commencé à Médine. D'accord? La da'wa a commencé à Médine. Alhamdulillah, hadha min fadlillahi subhanahu wa ta'ala, c'est une grâce d'Allah azza wa jal, et c'est la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala que la religion s'est propagée à cette allure à Médine. Et les causes sont bien sûr le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ainsi que les premiers compagnons, parmi eux Abu Bakr, Omar, etc. D'accord? Ou plutôt Abu Bakr radiallahu anhu arda. Et Omar, bien sûr, aussi, parce qu'il s'est déjà converti, Hamza, etc. Donc, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam, donc, a ordonné à ses compagnons et à recommander à ses compagnons de s'instruire, car on a besoin de l'instruction, on a besoin d'apprendre notre religion avant de transmettre cette religion. Et comme on avait dit dans le précédent sermon, chacun selon ses capacités, selon son degré de science. D'accord? On n'a pas besoin d'être un savant pour transmettre la religion. On n'a pas besoin d'être un grand prédicateur pour transmettre la religion. On n'a pas besoin d'être sur le mimbar pour être une personne qui est bénéfique pour la religion. D'accord? Yani, chacun selon ses capacités. Chacun selon ses capacités. Et tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Lakin, comme il a dit Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, al-adil fil hukm, huwa alladhi yaghtafir, qalil al-khata, fi kathir al-sawab. Donc, celui qui est juste quant au jugement, c'est celui qui ne prête pas attention au peu d'erreurs par rapport au grand bien qu'apporte la personne qui transmet cette religion, par exemple. D'accord? Donc, tout le monde fait des erreurs. Lakin, à partir du moment où toi, tu as science sur un sujet bien précis, à toi de transmettre, yani, la science que tu as sur ce sujet-là. Tout le monde sait que la prière est obligatoire. On va faire da'wa aux gens. On va leur dire de faire la prière. T'as pas besoin d'avoir une tesquia ou être un grand savant. Tu sais que la fornication et zina c'est haram. Allah Azza wa Jal l'a interdit fermement dans le Coran al-Karim ainsi que le messager d'Allah alayhi wa sallam. Va interdire aux gens de faire zina. Avec al-hikma, la sagesse, wal-maw'idatil hasana kama qala jalla wa ala, la bonne exhortation. Donc chacun doit transmettre cette religion et à cette responsabilité. C'est une mas'ouliya, une responsabilité qui incombe à tous les musulmans. Jusqu'à ce que Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, parmi les contemporains, il dit que al-amru bil ma'ruf, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, d'interdire le mable, est une obligation qui incombe à tous les musulmans et musulmanes. C'est-à-dire, c'est un fard ayn. C'est un fard ayn, c'est pas kifa'i. D'accord? C'est un fard, un obligatoire qui incombe, donc une obligation plutôt qui incombe à tous les musulmans et les musulmanes. Donc quand on dit qu'une chose est obligatoire, celui qui la délaisse est mérite, yastahiq. On dit mérite, il mérite le châtiment. D'accord? Quand une chose est obligatoire, donc si tu délaisses cet obligatoire, donc tu mérites le châtiment. Cheikh Ibn Baz, il dit que, à notre époque, c'est obligatoire. Pour tout musulman et toute musulmane, selon son degré de science et selon ses capacités. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah, il ne donne pas une charge au-dessus de sa capacité. Tu ne vas pas aller expliquer les règles de l'héritage à quelqu'un alors que tu ne connais rien concernant al-fara'id. Tu ne vas pas aller rentrer dans les détails concernant tafsir al-Qur'an al-Karim alors que tu ne sais pas ce qu'on dit. Afhamu an-nas wa athharu an-nas as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum sur ces versets coraniques. Tu ne vas pas rentrer dans des sujets concernant usul al-fiqh, les fondements du droit, alors que tu ne connais rien concernant usul al-fiqh. Mais lakin, selon tes capacités, tu dois transmettre obligatoirement cette religion. C'est une obligation. D'accord? Et tu commences par qui? Par tes proches, ta famille, ton épouse, tes parents, tes enfants, etc. Ensuite, tes proches, les gens que tu rencontres, dehors, quand tu es au travail, tu fais ad-da'wa, yani, quand tu es au centre commercial, tu rencontres un frère, et tu vois un munkar avec hikma wal maw'idhati al-hasana, tu peux lui faire da'wa, et tu te dois de lui interdire le blâmable, car c'est une obligation qui incombe à tout musulman. C'est une obligation. Ordonner le bien. Interdire le mal, on n'en parle pas. Interdire le mal, c'est encore plus clair. C'est encore plus clair. Et plus détaillé, on va dire. Allah Azza wa Jal, ou plutôt le prophète alayhi salatu wa salam, donc un hadith connu par tout le monde que je répète souvent, fait sahih, où le prophète alayhi salatu wa salam a dit quoi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Wal amru lil wujub. Comme a dit la majorité des savants de usul al-fiqh, al-jumhur. Al amru lil wujub. D'accord? C'est-à-dire que l'impératif montre ici l'obligatoire. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, si quelqu'un voit un munkar, une chose répréhensible, falyughayyirhu biyadih. Et les savants ont dit quoi et ont expliqué, c'est par exemple le gouverneur, yani sur ses gouvernés, par exemple dans certaines situations, ou bien le père envers son enfant. C'est pas parce que toi tu vas voir une personne en train de fumer une cigarette, tu vas appliquer le hadith et tu vas lui enlever la cigarette avec la bouche, tu vas dire parce que le prophète il a dit falyura yarubi biyadi awalan. Non, ça c'est certaines catégories de personnes. Ala kulli hal fa illam yastati' fa bilisani. Si tu ne peux pas avec la langue, fa bilisani. D'accord? Fa illam yastati' fa biqalbi, wa dhalika ad'afu al-iman. Et s'il ne peut pas avec le cœur, c'est quoi avec le cœur? C'est que tu délaisses cette assise où on ordonne le yani l'interdit, ou alors où est répandu le haram, ou bien une assise où on écoute la musique, ou bien une assise où on répand le mensonge, ou al-riba, ou al-namima. Si tu n'arrives pas et tu n'es pas au niveau de leur dire ittaqullah, craignez Allah Azza wa Jal avec hikma, et dis évitez de parler yani sur ces choses qui sont détestées dans la religion, ala al-aql, la moindre des choses c'est quoi? Falyughayyirhu biqalbi. C'est que yani tu le changes avec ton cœur, c'est quoi? C'est que tu ne restes pas avec ces personnes. Fa idha khatabahumul jahiluna qalu salam wa idha marru yani billaghwi marru kirama. D'accord, quand ils passent devant une futilité, ils passent ou ils se détournent d'une façon noble. D'accord, ils se détournent des futilités. Donc ici tu ne dois pas rester et cautionner yani cet interdit là et comme on avait cité le verset coranique, Allah Azza wa Jal a dit lu'ina alladhina kafaru min bani Israil 'ala lisan Daoud wa Isa ibn Maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh la bi'sa ma kanu yaf'alun. Allah Azza wa Jal parle de qui? De ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël. Ils ont été maudits par la bouche de Daoud alayhi salam et de Isa ibn Maryam, walakin lu'ina al-la'na min Allah. Ils ont été maudits par Allah Azza wa Jal, mais par la bouche de Daoud et de Isa. Pourquoi? Car ils désobéissaient et transgressaient. Ils désobéissaient et transgressaient. Donc on sait que le fait de désobéir à Allah Azza wa Jal et de transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les causes min asbab al-la'na. Donc sont parmi les causes de la malédiction d'Allah Azza wa Jal sur nous. Wa kanu, Allah Azza wa Jal ne dit pas, il cite leurs critères. Il dit, ils désobéissaient, transgressaient, et aussi, ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient mutuellement. Quelqu'un faisait le haram à leur époque, Ben Israël. Quelqu'un faisait le munkar. Quelqu'un faisait le haram, l'illicite, et l'autre le voyait, il ne disait rien. Et lui aussi faisait l'illicite, yarhamukallah, et l'autre ne lui disait rien. Adi, normal. Est-ce qu'on voit ça au jour d'aujourd'hui? Adi. Et quand tu dis à quelqu'un, oui, Akhi al-Karim, il faut interdire le mal, avec hikma. Et on avait dit, le hikma, c'est quoi? Wad'u shay, ala al-waqt alladhi yanbaghi, wa ala al-wajh alladhi yanbaghi. C'est ça le hikma. D'accord? Comme l'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, dans Madarij al-Salikin. Donc, c'est de faire ce qu'il faut, au moment où il faut, et de la manière où il faut. Donc, quand tu vois que tu peux parler, et d'une certaine façon, fais-le. C'est une responsabilité que tu as. Car, si tu délaisses le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, tu risques d'être maudit par Allah Azza wa Jalla wa al-iyadu billah. Et tu dois craindre personne. Tu dois craindre personne. Al-haq, c'est al-haq. Al-batil, c'est al-batil. Qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa, kama qala ta'ala. Et dit, la vérité est venue et le faux est s'en est allé. Le faux est voué à quoi? À disparaître. La vérité, elle restera. Donc toi, quand tu défends la vérité, ne t'inquiète pas. La vérité va rester, le faux va disparaître. Ne te dis pas j'ai honte, ou j'ose pas, ou je ne veux pas dire parce que voilà ceci ou cela. Abadan. La manière que tu utilises, ça c'est une autre chose. Avec sagesse, quelquefois il faut faire passer indirectement, quelquefois yani, le fait simplement de s'en aller, c'est le fait de interdire le mal car les gens vont comprendre quand tu vois un munkar, etc. Lakin, tu dois arrêter le munkar. La manière c'est autre chose. Lakin, le fait de l'arrêter, tu dois l'arrêter. Coûte que coûte, sans craindre personne. Ça c'est une obligation qui incombe à tous les musulmans et musulmanes. C'est pas la sœur, elle reste à la maison et elle dit moi je sers à préparer à manger, faire mes prières, éduquer mes enfants et ça s'arrête là. La femme musulmane a sa responsabilité en islam. Les femmes musulmanes ont marqué l'histoire de l'islam, et ça c'est un message à nos sœurs. Ils doivent participer à la da'wah et avoir le souci de la transmission de la religion comme j'ai cité dans le précédent sermon. D'accord? C'est une obligation qui incombe aux hommes et aux femmes. Comme قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح مسلم طلاب العلم فريضة على كل مسلم. يعني المسلم والمسلمة. L'apprentissage de la religion c'est obligatoire pour qui? Pour tout musulman. C'est-à-dire l'homme et la femme. Te dis pas moi j'apprends, je m'assois à la mosquée et je rentre chez moi, je ne transmets rien. والعياذ بالله. كلكم راع وكلكم مسؤولين عن رعيتي. Tout, vous êtes tous responsables. Et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Tu t'es marié, c'est une responsabilité. Al-rijal qawwamuna ala an-nisa. Comme a dit l'ulama, laysa at-tashrif, walakin at-taklif. D'accord? Comme on dit, Allah Azza wa Jalla dit, les hommes ont une autorité sur les femmes. Les savants ont dit quoi? Ça c'est connu. Mashhour. C'est connu, c'est célèbre cette parole-là. Ce n'est pas un honneur, mais c'est une responsabilité. Car tu vas rendre des comptes sur toi. Mais maintenant, rajoute une responsabilité encore. Tu vas rendre des comptes maintenant pas que sur toi, sur ton épouse aussi. Donc maintenant sur toi, mais sur ton épouse aussi. Tu as des enfants, maintenant tu rajoutes une responsabilité sur tes enfants aussi. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Et les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit parmi eux? Ikrima, qu'on a vu tafsir al-Qur'an al-Karim, يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Pourquoi Allah Azza wa Jalla dit يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Le jour où le frère va fuir de son frère, de son père et de sa mère, et de sa conjointe ou la conjointe de son conjoint et de ses enfants. Pourquoi? Parce que ce jour-là, tu sauras que tu as des responsabilités sur eux. Tu devras rendre des comptes sur eux. Donc tu vas faire quoi? Tu vas prendre la fuite. Quand tu vas voir ton épouse, tu vas prendre la fuite. Quand tu vas voir ton père, tu vas prendre la fuite. Tu vas voir tes enfants, tu vas prendre la fuite. Tu vas voir ton époux, la femme va prendre la fuite. Pourquoi? Elle va savoir qu'elle a des responsabilités sur ses enfants. Il va savoir qu'il a des responsabilités sur son épouse. Il va savoir qu'il a eu des responsabilités sur ses enfants et qu'il devra rendre des comptes. Donc, quand tu vas les voir, tu vas prendre la fuite, comme il a dit Ikrima rahimahullah ta'ala. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pourquoi? S'enfuir, yani, de ce jour terrible, ou plutôt de ses comptes. Les comptes que tu devras rendre à propos de ton épouse, ton époux, tes parents, tes enfants. Regardez. Chacun va s'occuper de sa propre personne. Amma, au jour d'aujourd'hui, on aime les responsabilités. Ah, aujourd'hui, tout le monde aime les responsabilités. Je parle même pas du fait d'être un père de famille, ou avoir des enfants, ou avoir... Tout le monde aime les responsabilités. Dès qu'on peut prendre une responsabilité, on la prend et on la bâcle. On aime bien tous le kursi. On aime bien tous la chaise. D'accord, être un ministre, représentant de telle contrée, représentant de telle ville, ou gouverneur de tel endroit, etc. Alors qu'on a oublié simplement les responsabilités que tout être humain peut avoir, que tu sois riche ou pauvre. Que tu sois fort ou pas, tu peux l'avoir. Tu te maries, tu as cette responsabilité. Juste cette petite responsabilité. Ta famille, le cercle, le foyer conjugal, ici, il faut savoir que tu rendras des comptes dessus et tu voudras prendre la fuite de ces responsabilités que tu as eues au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, tu vas prendre la fuite des responsabilités que tu as eues ici-bas. Que dire si tu es responsable de millions et de millions de musulmans? Si tu es responsable de centaines et centaines de musulmans? Vous croyez que c'est facile de dire « Amir al-Mu'minin » Ça veut dire que tu rendras des comptes sur chaque croyant. Chaque croyant aura un droit sur toi. Chaque croyant pourra demander des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et voilà pourquoi le prophète a.s. dit dans Sahih Muslim, toute personne à qui Allah azza wa jal a donné une autorité et qui trahit ceux qui sont sous son autorité, ici, le paradis lui sera interdit. Hadith authentique, rapporté par Muslim. Toute personne à qui Allah Azza wa Jalla a donné une mas'ouliya, une responsabilité, une autorité. Tous ceux qui sont sous ton autorité, tu trahis cette responsabilité, sache que le paradis t'est interdit. Regardez, subhanallah. Voilà pourquoi les sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, afhamu al-nas wa atharu al-nas, ba'd al-anbiya wa al-rusul, taban. Donc après les prophètes et les envoyés, ceux-là, les sahaba, ils fuyaient des responsabilités. Ils voulaient pas les responsabilités. Ils aimaient bien être en dessous des responsabilités. Quand on leur posait des questions, les sahaba, l'ulama, les savants des savants, l'ulama, qu'est-ce qu'ils disaient? La adri, Allahu a'lam, idhabu ila fulan. Combien de compagnons, il a dit, allez voir Ibn Abbas, allez voir Ibn Mas'ud, il voulait pas. Ibn Abbas, allez voir Ibn Mas'ud. Nous maintenant, tout le monde est devenu savant. Tout le monde veut, masha'Allah, donner des fatwas de son propre nefs, de ses propres passions, et prendre des responsabilités religieuses, et ceci et cela. Il n'y a plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je parle pour moi le premier. Moi je parle pour moi le premier. Je ne dis pas que je suis un savant, moi je suis un petit, je suis dans la cour des petits. Je répète ce que disent les savants, ahlul ilm, avec les paroles d'Allah et de son messager. Et si je me trompe, quelqu'un il vient avec une nassah. Il a écrit, tu t'es trompé, marhaban. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام entraidez-vous à quoi? Aux œuvres de bien et de piété. Aux œuvres de bien et de piété. Et ne vous entraidez pas au quoi? À la transgression, aux choses mauvaises, le haram, etc. Et le prophète Hassim a dit الدين النصيحة, la religion et le conseil. Donc quelqu'un qui voit une erreur de son frère avec une bonne intention, أولا النية الصالحة, la bonne intention. Je veux aider mon frère. Deuxième des choses, bil hikma wa bi adab. Hein? Avec sagesse et avec politesse. Et akhil karim, Allahu a'lam, peut-être tu t'es trompé. Masha'Allah, hafidhakallah. Et wallahi, que quelqu'un qui te donne une nasiha, fi sabilillahi azza wa jal, tu vas quoi? Tu vas stafid, tu vas profiter. Elle va être profitable. Ce conseil va être profitable. Et tu vas l'accepter bien, masha'Allah. Amma quand quelqu'un vient et te donne une nasiha publiquement et veut te casser, jamais celui que tu as voulu nassah profitera de ce conseil-là. Jamais. Il n'y aura pas de baraka dans ce conseil-là. Donc, ici, il faut savoir que tout le monde a une responsabilité dans la religion. D'accord? Donc, on voit que les sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, ils ont transmis cette religion, alhamdulillah. Donc, ad-da'wa s'est propagée à Médine. Médine était prête à accueillir les premiers émigrés. Les premiers émigrés, qu'on appelle al-muhajiroun. Et ceux qui étaient dans à Médine, et qui vivaient à Médine, on les appelle bien sûr Al-Ansar. Donc c'était eux qui vivaient à Médine. Al-Muhajiroun sont partis chez les Ansar, chez les Médinois. Et ils ont commencé, après le premier pacte, Afwan, de Al-Aqaba, ils ont commencé à émigrer. Ils ont commencé à faire ce qu'on appelle Al-Hijra. Al-Hijra. Min Mekkata ila Al-Madina. D'accord? De Mekka à Al-Madina après le premier pacte. Après le deuxième pacte, bien sûr, ici, il y en a eu de plus en plus qui sont partis. Et c'est ce qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui. D'accord? Un grand nombre de compagnons, yani, si ce n'est la quasi-totalité des compagnons, ont émigré de Mecca à Al-Madina. Sauf un petit groupe. Parmi le petit groupe qui est resté, il y a ceux qui n'ont pas pu partir. Il y a ceux qui ont été retenus. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. D'accord? Donc eux, ils n'ont pas pu, ils ont été retenus. On va voir comment ils ont été retenus. Et il y a le deuxième groupe, qui était le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, avec Abu Bakr radiallahu anhu wa ardam, qui sont restés parce qu'ils devaient rester à ce moment-là. Bien qu'ils étaient encore persécutés. Mais ils devaient rester encore. Donc eux ce sont, et à leur tête bien sûr, il y a le prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, les chefs de guerre. C'est eux les patrons, c'est eux les responsables. Donc c'est eux qui gèrent et qui organisent. Et eux ils sont restés pour rester organisés. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il allait faire al-hijra de Mecca à al-Madina. D'accord? Il savait. Comment il savait? On avait dit que les formes de révélation, c'était quoi? Les rêves. Et le prophète alayhi salatu wasalam a vu en rêve, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari Muslim. Il a vu en rêve, wahi. Il a vu en rêve, il a eu cette révélation. D'accord? En rêve, qu'il devait, ou qu'il allait quitter, d'accord? La Mecque pour une cité remplie de palmiers. Et cette cité-là n'était autre que Médine. Alors qu'au début, il ne pensait pas que c'était Médine. Ensuite, on l'a informé dans Sahihain que c'était, ce hadith est rapporté par le Bukhari Muslim, que c'était Médine. D'accord? Donc, le prophète, alayhi salatu wasalam, savait que, bi'idnillahi azza wa jal, il allait partir à Médine. D'accord? Donc, les premiers immigrés sont partis. D'accord? Donc, les muhajiroun, les premiers sahaba sont partis. Et, avant de rentrer dans les détails concernant les compagnons qui sont partis, et expliquer, yani, les torts qu'ils ont reçus et les persécutions qu'ils ont reçues, on va s'arrêter à Al-Hijra. J'avais déjà parlé de Al-Hijra, mais à titre de révision, inshallah ta'ala. Al-Hijra, mal Al-Hijra, c'est quoi Al-Hijra? D'accord? Donc, à chaque fois qu'on reparle d'un sujet, c'est bien de, yani, reciter les explications ou les arguments qu'on avait apportés concernant ce sujet-là. Ça sert de quoi? De révision. Alhamdulillah. Et Al-Insan, yansa. L'être humain, il oublie. D'accord? Donc on avait parlé de l'hijra. Istilahan, on avait dit l'hijra, istilahan, c'est de quitter. D'accord? Au point de vue de la langue arabe. C'est quoi? C'est le fait de quitter. De délaisser. D'accord? Par exemple, on peut dire, il a hajar, il a délaissé, yani ce frère-là. D'accord? C'est le fait de quitter ou de délaisser. J'ai délaissé et j'ai quitté, j'ai abandonné ce frère-là pour un autre frère. D'accord? Pour raison X ou Z. D'accord? Donc, on utilise, yani al-hijra dans plusieurs situations. À partir du moment où on veut indiquer le fait de délaisser, de quitter, d'abandonner. Une chose pour une autre. Ça, c'est l'hijra istilah. Amma, yani, au point de vue, religieux, c'est le fait de quitter, comme ont dit les savants, yani, la terre, une terre non musulmane, afin de se rendre sur une terre islamique, par preuve des épreuves, al-fitan, yani, et afin de rechercher le moyen ou le meilleur moyen de pratiquer sa religion. C'est le fait de quitter une terre non musulmane pour une terre musulmane. Ou bien, dans certains cas spécifiques, on peut dire plus précisément plutôt, c'est le fait de quitter un endroit où tu pratiques pas bien et ouvertement ta religion, vers un endroit où tu pratiques ouvertement et mieux ta religion. Hada huwa al-hijra. Comme ils ont fait l'hijra, ici, as-sahaba radiyallahu anhum wa arda, et la ard al-habasha, donc comme on avait vu, hein, de Mecca à en Abyssinie. C'était la première hijra. Et la deuxième hijra, donc comme ils sont partis de Mecca à Al-Madina. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils sont partis? Il y avait une raison. Et la raison c'était quoi? C'est qu'ils ne pouvaient pas pratiquer bien et ouvertement. Zahiran, ouvertement leur religion. Vers un autre endroit où tu peux pratiquer mieux ta religion et ouvertement. D'accord? Donc maintenant, c'est ça qu'on doit retenir surtout à notre époque. Où al-fitan? D'accord? Al-fitan, les troubles, d'accord, se sont répandus dans beaucoup de pays. Même certains pays musulmans. Même certains pays musulmans. Donc, ici, moi, ce que je conseille, c'est de retenir cette explication. C'est-à-dire qu'on quitte un pays où on ne pratique pas bien et comme il se doit les ordres d'Allah Azza wa Jalla et du messager d'Allah alayhi salatu wa salam ouvertement vers un autre pays où tu peux le faire. Même si tu dis je quitte un pays non musulman pour aller dans un pays même musulman où toi, dans ta situation personnelle, quand tu arrives là-bas, tu sais qu'on ne te laissera pas appliquer la religion encore moins bien. Est-ce qu'on va lui dire va? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'aller? Alors que dans le pays musulman ou non musulman à point, il pratiquait plus ouvertement sa religion. Donc ça c'est dans des cas vraiment, il y a un spécifique. Mais ça existe. Donc c'est cette, ici, définition qu'il faut retenir. D'accord? Donc en général, c'est quitter ce que Allah déteste pour ce qu'il aime. Et il y a, al-hijra concerne deux points, où il y a deux formes de hijra. Comme l'a dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, et Cheikh al-Adani, rahimahullah ta'ala, parmi bien sûr les contemporains, wa hafidhahullah, Ibn al-Qayyim et d'autres. D'accord? C'est le fait de faire al-hijra des œuvres et al-hijra de l'endroit. D'accord? Il y a deux types de hijra. Le fait de délaisser les mauvaises actions al-haram pour al-halal. Ça, c'est un type de hijra. D'accord? Et il y a al-hijra d'un endroit à un autre endroit. Ça, c'est le deuxième type de hijra. Il y a les deux types de hijra. C'est clair? Par exemple, concernant le deuxième type de hijra. Le fait de laisser les mauvaises actions pour les bonnes actions. Le fait de laisser le haram pour le halal. Ça, c'est hijratul qalb, qui concerne le cœur. D'accord? Ou alors, hijratul a'mal, là, le fait de quitter ou délaisser, yani, les mauvaises actions, les actions mauvaises pour les bonnes actions. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a parlé de ce type de hijra. Dans le hadith, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, Ibn al-As, afwan radiyallahu anhu arda, où le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, dit, le musulman est celui dont les musulmans ne craignent ni la langue ni la main. Ça, c'est le musulman. C'est celui dont les autres musulmans ne craignent ni la langue, ni la main. Ça, c'est le musulman, le vrai musulman. C'est-à-dire que ton frère, tu sais que t'as pas à avoir peur ni de sa langue, il va pas te critiquer, te médire, et ni te toucher à ton honneur, etc. Et ni de sa main. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ensuite, et le muhajir, al-muhajir. C'est qui? Al-muhajir est celui qui laisse ce que Allah azza wa jalla a interdit. Ça, c'est le muhajir. C'est que tu délaisses ce que Allah Azza wa Jalla a interdit. Ça c'est haram, je délaisse. Tu es muhajir. Ça c'est quoi? Hijratul a'mal, comme a dit les ulama, et منهم Ibn Qayyim rahmatullah alayh. D'accord? Et il y a le deuxième type de hijra, yani qui est le fait de délaisser un endroit, donc une terre de façon générale, non musulmane vers une terre musulmane. D'accord? Allah Azza wa Jal a parlé des gens qui restent dans une terre non musulmane de façon générale, ou bien dans une terre où tu ne peux pas pratiquer comme il se doit ta religion ou ouvertement ta religion, et qui restent là, dans cette terre-là, alors qu'ils peuvent partir dans une meilleure terre, tout simplement, par exemple, pour des raisons personnelles comme « je veux le confort », d'accord ? Ou bien « je veux la vie de luxe », ou bien « je veux ad-dunya ». Allah parle d'eux dans le Coran, al-Karim, wal-ayyadu billah. Ceux qui ont délaissé al-akhira pour ad-dunya, concernant al-hijra. Je ne parle pas de ceux qui sont dans un pays musulman et qui servent à transmettre la religion et qui servent à quelque chose et qui arrivent à pratiquer leur religion ouvertement, etc., etc. Dans certains cas, bien sûr pour cela, ils peuvent rester dans ce pays non musulman. Mais je parle de façon générale. Ici, c'est quand une personne est dans un pays, yani, où il ne peut pas pratiquer sa religion ouvertement et il délaisse le fait de faire l'exil. Il ne sert à rien pour la communauté. Il ne peut même pas pratiquer sa religion ouvertement et il reste ici que pour des intérêts personnels. D'accord ? Donc Allah Azza wa Jalla parle dans le Coran et quand il dit « Lorsque les anges enlèvent l'âme de ceux qui se font du tort à eux-mêmes, ils leur disent, c'est-à-dire les anges, dans quel état étiez-vous ?»« Qalu fima kuntum »« Qalu kunna mustad'afina fil ard » Donc qu'est-ce qu'ils vont dire ? Nous étions faibles sur la terre. Nous étions faibles sur la terre. Donc la preuve, ce n'est pas une excuse de faire des péchés, de dire « La ghalab, nous, akhoya, on est en France. La ghalab, on est en Allemagne. La ghalab, on est en Belgique. » قلنا يعني قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها donc Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il parle? Il parle de ces personnes-là qui trouvent des excuses. Les anges leur diront, que ce que vous faisiez? Ils vont dire, on était faibles sur la terre. On était faibles. Et ici ensuite, il leur sera dit, la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer. Voilà ce dont la fin sera l'enfer et quelle mauvaise destination à l'exception. Illa al-mustad'afin. Allah Azza wa Jal dit, sauf les impuissants. Les impuissants, parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de voyager, ne trouvant aucune voie, voilà ceux à qui Allah pardonne, Allah est clément et pardonneur. Sauf ceux qui ne peuvent pas, les femmes qui ne peuvent pas, ou les impuissants, ou alors par exemple, comme on dit les savants, c'est par exemple quelqu'un qui est emprisonné dans un pays non musulman. Comment tu veux qu'il fasse al-hijra? Il ne peut pas, bien qu'il veuille. Ça rentre dans les impuissants. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Une femme très âgée qui n'a pas d'argent, il ne sait pas comment se déplacer. À la kulli hal, certains cas, les impuissants. D'accord? Et bien sûr, quand on veut rester dans un pays non musulman, il faut être bénéfique pour la communauté. D'accord ? Soit tu es bénéfique pour la communauté, tu sers à quelque chose. Soit, ya akhi al-karim, moi-même je te conseille, si tu n'as rien à faire ici et tu crains pour ta religion, vaut mieux que tu ailles dans un endroit qui va être plus bénéfique pour la pratique religieuse. D'accord ? Et pour l'éducation de tes enfants. D'accord ? Tout en sachant que nous, ici, quand nous vivons dans un pays non musulman, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter les non musulmans. Bien au contraire. Au contraire. On doit faire ad-da'watu ila Allah azza wa jalla avec le bon comportement, en usant du bon comportement avec les non-musulmans pour leur montrer c'est quoi le vrai islam. C'est pour ça les savants ils disent quoi? Ad-da'watu bi yani al-akhlaq. Donc ad-da'wa avec les bonnes moralités, les bons comportements, les bonnes mœurs. Yani ahyanan anfa' wa ashad min ad-da'wa min ad-da'wati bi bil-lisan. Dans certains cas c'est plus bénéfique, c'est encore meilleur, c'est plus important. Que quoi? Que ad-da'wa, le fait d'appeler les gens avec quoi? Avec la langue. Et on le voit maintenant. Et on le voit. Maintenant, la religion pour les Européens, je ne vais pas dire tous, la ou'ammin, non, je ne vais pas généraliser, mais pour une bonne partie des jeunes, wallahi l'adim, que c'est devenu une mode. Dû à quoi? Au confort. C'est vrai ou pas? Et voilà pourquoi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a dit quoi concernant? Concernant les hypocrites, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah? On a parlé des hypocrites. L'hypocrisie est apparue où? Plus à Médine ou à Mecca? À Médine, pourquoi? Parce que ça y est. Pourquoi Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, et d'autres savants, ils ont dit An-nifaq, zahra an-nifaq, fil Médina ou fil Mecca? Fil Médina. Pourquoi fil Médina? Parce que à Médine, ça y est. Alhamdulillah, l'islam avait pris le monopole. Donc ça y est, tout le monde, ça y est, t'es en sécurité. Donc même, il est mieux pour toi d'être musulman que de pas être musulman. Donc voilà, l'hypocrisie, elle est apparue à ce moment-là. Parce que les gens, par intérêt personnel, certains parce qu'ils voulaient gagner de l'argent, certains parce qu'ils voulaient pour leur sécurité, d'autres pour le commerce, d'autres pour... Yani, ils se montraient musulmans alors qu'à l'intérieur, c'était complètement l'inverse. Ama à Mecca, pourquoi n'est pas apparu autant l'hypocrisie à Mecca qu'à Médine? Parce qu'à Mecca, à partir du moment où tu disais « je suis musulman », t'étais persécuté. Donc ceux qui étaient musulmans, ça ne pouvait être que les gens sincères. Est-ce qu'ils n'avaient pas chaud? Quel intérêt ils avaient de dire je suis musulman? Tu disais je suis musulman, on te prenait, on te torturait. Donc ceux qui étaient musulmans, tu étais sûr. Bi-idnillah, c'était les gens sincères. Tandis qu'à Médine, quand c'est le calme, raha, alhamdulillah, l'islam a pris le monopole, ah, là les hypocrites ils apparaissent. Tu vois plus, il y en a plus très clair. Plus très clair. Tout en sachant que comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda a dit, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète jugeait avec quoi? Al-Wahi. D'accord? Donc il pouvait juger les intentions. Celui-là il est sincère, celui-là il est pas sincère. Parce qu'il parlait avec révélation. D'accord? Il ne parle pas poussé par sa passion, mais il parle avec révélation. Tandis que Omar il dit maintenant, on n'a plus de révélation. Maintenant on juge les actions, al-a'mal. On juge plus, al-niyat. On juge plus les intentions. D'accord? Si quelqu'un nous montre qu'il est musulman, apparemment, on peut dire qu'il est musulman. On peut dire qu'il est que musulman. On ne peut pas dire celui-là, il a une mauvaise intention. T'es qui toi? Tu ne peux pas dire ça. Comme le prophète alayhi salatu wasalam, il s'est mis en colère dans le hadith al-sahih, contre qui? Contre qui? Abadan, c'est qui a tué une personne qui a dit, yani, dans une expédition, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah, il l'a tué. Et le prophète alayhi salam, il l'a suivi, il s'est mis en colère. Radiba Habib ibn al-Mustafa al-Soumi, il a dit, pourquoi tu as tué? Il a dit à Rasulullah, on sait très bien qu'il a dit ça, parce que le prophète, il avait interdit de tuer toute personne qui dit, la ilaha illallah. Il a dit à Rasulullah, il a dit ça parce qu'il a eu peur. Il savait que s'il disait ça, on n'allait pas le tuer. Le prophète alayhi salam, il a dit, est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour savoir s'il était sincère ou pas? Il s'est mis en colère. C'était qui? Oussama ibn Zayd. Radiallahu anhu arda. Un compagnon, un grand compagnon. Le prophète s'est mis en colère contre lui. Alors que, on va dire, c'est clair. Lakin, le prophète, il a dit, t'es qui, toi? Est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour savoir ce que révélait ou ce que renfermait son cœur? Est-ce qu'il était sincère ou pas? Qu'est-ce qu'on va dire de nous? Donc, nous, tu vois l'apparence musulmane, tu dis, c'est un musulman. Khalas. D'accord. Lakin, nous, moi, je juge les actions. Quand tu vois une personne, hafidhakumullah, je parle pour moi le premier, qui a la barbe, je le dis souvent, et qui a le qamis, wallahi al-azim, et tu entends des histoires, subhanallah al-ali al-azim, inimaginables à notre époque, je parle par expérience moi, wallahi des histoires que j'entends moi, et quand on m'appelle au téléphone, je dis c'est inimaginable, ça n'existe pas dans la communauté, c'est pas possible, ici en France, je dis pas à Brest, en France, wallahi des histoires, je dis c'est pas possible, c'est un barbu qui a fait ça, quelqu'un qui a la barbe, qui a le qamis, et je vous en passe. Alors on entend maintenant des gens qui ont la barbe quelquefois qui vendent la drogue, des gens qui ont la barbe qui trompent leur épouse, des gens qui ont la barbe qui, dans le commerce, tu les vois dans le commerce, dans le tijara, tu dirais, subhanallah, même quelqu'un qui n'a pas l'islam, il n'oserait pas faire ça. Rechoua, et celui-là, il trompe son frère, et celui-là, il fait de la vente interdite, et celui-là, vraiment des histoires, dans le musta'an. Des histoires, et je vous en passe. J'ose même pas rentrer dans les détails, vous serez choqués, vous y croirez pas. Et des femmes, et on en passe, et on en passe. Je rentre pas dans les détails concernant les femmes. Le djilbab, le sitar, mashallah, et je généralise pas, hein. C'est pas parce qu'il y a un frère qui a la barbe qui fait ça qu'on va généraliser. Mais ça existe. Des femmes qui ont le djilbab et qui ont le sitar et des histoires, Allahu musta'an. Tu dirais même une sœur, wallahi al-adim, qui peut-être n'est même pas musulmane, elle oserait pas faire les choses qu'elle fait cette sœur-là avec le djilbab. C'est devenu facile maintenant. Parce qu'on est dans le raha, regarde. Maintenant, c'est devenu chez beaucoup une mode. Wallahi, pour beaucoup, c'est devenu une mode. Alors tu vois des jeunes qui viennent des cités maintenant, ils commencent à critiquer le mashayikh, l'ulama. هذا مبتدع هذا يفسق هذا يبدع هذا هذا يكفر هذا c'est quoi ça? Parce qu'ils ont lu 3 ou 4 fatwas. Ah non, celui-là, ce machaïr, il a pas une tazkiya, je peux pas prendre lui, je prends au-dessus. Tu lui dis, il est né quand le prophète alayhi salatu wassalam? Allahu alam. Tu critiques le machaïr, tu sais pas quand il est né le prophète alayhi salatu wassalam. Tu fais le wudu devant moi, peut-être, wallah, tu vas faire 15 erreurs. Tu dis, c'est quoi? Arkan al-wudu. Et wajibat al-wudu, tu sais même pas me répondre. Où sont les fiqh? Il connaît rien de où sont les fiqh. قواعد النحوية حتى في اللغة العربية يعني مم جوز دي باز مم on fait tous des erreurs dans la langue arabe لكن دي باز il connaît rien il va critiquer le mashayikh même si c'est pas des savants le mashayikh t'as fait quoi toi de ta vie tu connais peut-être 30 même pas deux hizb et tu vas critiquer des savants pourquoi c'est devenu ça c'est devenu un peu une mode et maintenant on voit tout le monde qui rentre dans la religion facilement parce qu'ici on est dans le raha mais va après appliquer ta religion dans certains pays musulmans aussi ouvertement et tu vas voir si tu vas pas atterrir au commissariat. Et si tu vas pas faire un stage pour voir si ton intention est sincère ou pas. Si tu ressors avec la barbe, mashallah. Est-ce que ça existe ça ou pas? C'est une réalité. Combien de frères ils ont été persécutés dans des pays qui restent musulmans, alhamdoulilah. Mais ils ont été persécutés quand il y a des histoires. Alors qu'ils avaient rien à voir. Là, c'est pas facile. Parce que eux, ils goûtent la pauvreté là-bas dans les pays musulmans. C'est pas comme nous. Même si tu travailles pas, t'as quoi? De l'RMI. Hein? Au pire, t'as l'URSA ou je sais pas quoi maintenant. Mais non, alhamdoulilah, c'est facile. Tu vas raconter ça au Maroc. Je parle de la réalité des choses. Ça rend dans fiqh al-waqi'a. Tu vas rencontrer ça déjà en Maroc, moi je touche combien? Je reste dormir, je mange, je bois, et année je touche à peu près 500 ou je sais pas combien euros par mois, ça me fait à peu près 6000 dirhams, il va devenir fou. Il va dire tu fais rien, je touche ça. C'est facile d'être musulman. Et tu fais subh à l'heure à la mosquée, drôle, asr, maghrib, l'isha, mashallah, tranquille. Mais va maintenant vivre dans des pays musulmans. Ou si tu travailles pas le matin à 7h du matin et tu rentres pas le soir à 9h et tu trimes pas du matin jusqu'au soir pour ramener un rizq chez toi, wallah il a une personne va t'apporter à manger. Et un rizq, wallah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah azzawajal, lequel il faut prendre al-akhdu bil asbab wajib. Le fait de prendre les causes, c'est obligatoire. Va dans certains pays musulmans où tu commences à appliquer vraiment à la lettre la religion, wallah et tu passes au commissariat. Hein? C'est rien, alhamdoulilah, c'est des contrôles, lequel. Est-ce que ici, vraiment, tu vas t'accrocher autant à la religion? Ça, c'est autre chose. Donc, on voit ici quand c'est facile d'appliquer la religion dans certains pays. Alhamdoulilah, comme nous, aujourd'hui en France, bien qu'il y ait des choses qui nous posent quelquefois, il y a certaines contraintes, ou il y en a qui nous mettent des bâtons dans les roues, certaines personnes, etc. Mais en général, alhamdoulilah, c'est pas une raha, c'est pas une rahma, ça. C'est pas une miséricorde d'Allah, azza wa jalla, c'est pas un bienfait parmi les bienfaits, t'es dans une mosquée. Va dans certains pays musulmans. Et rentre dans une mosquée, tu dis, bon, je vais faire des doros maintenant et tout. Salat, elle finit, allez, khroj. Mais j'ai pas fini une nafila, va faire chez toi. Ça existe ou pas? Moi, je l'ai vécu. On parle des choses concrètes. Et on dit pas que des pays non-musulmans sont meilleurs que des pays musulmans. Abadan. Pays musulmans, ça reste un pays musulman. Il y a l'Adhan, il y a l'Hamdoulilah, la langue arabe, les gens, la majorité sont des musulmans, Alhamdoulilah. Mais on parle de certains cas qui existent et qui sont réels et qu'il faut y en exposer clairement. D'accord? Donc ici, on dit et on rappelle que le principal, c'est d'être bénéfique pour la religion. Où que tu sois bénéfique pour la religion. Alhamdoulilah. Tu participes à da'watu illallah azza wa jalla. Tu restes pas à dormir, tu es bénéfique pour la religion. Alhamdoulilah. Fais pas comme certains qui parlent de jour et nuit. Jour et nuit de l'hijra. Faut faire l'hijra, blad, le kufr, a'udhu billah, tu restes ici, truc. 20 ans après, tu le vois, il est encore là. Qu'est-ce que t'as fait, akhi? Tous les ans, je vais à l'hajj. Wallah, il y en a plein, c'est la mode pour se réconforter, ils vont à l'hajj tous les ans en Arabie Saoudite. À moi dire, je fais quelque chose. Et ça fait 20 ans qu'il est là, il fait pas la hijra. Et ça fait 20 ans qu'il impose aux gens le fait de faire la hijra. Et c'est haram de rester, mon frère. 5 ans après, tu reviens, t'es encore là. 10 ans après, il est encore là. 15 ans après, oui, j'ai essayé d'aller un mois là-bas, mais la ralab. Mais quoi? Ah, t'as vu la misère là-bas. T'as vu que c'était dur là-bas. Et donc, t'as pas assumé. Révise ton intention. Donc, vaut mieux se taire et applique. Tu veux faire la hijra? N'impose pas aux gens de faire la hijra sans que tu connaisses leur situation et leur niveau religieux. Fais ce que tu as à faire et une bonne intention et laisse les gens tranquilles. Laisse les gens tranquilles. Il y a l'ulama qui indique sur le fait de faire la hijra, pas faire la hijra. Donc, demande ici à des gens de science en expliquant ta situation vraiment dans les détails. Yani, est-ce que tu es marié, est-ce que tu divorces, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu as de l'argent, ton niveau religieux, ton avancé, et dis-lui, donne-moi un conseil, est-ce que je devrais faire la hijra ou pas? Ça, il t'a expliqué bien ton cas précis. Un mois de fait, d'imposer à tout le monde. Il y a des frères qui ont été voir des gens qui venaient rentrer dans la religion, ça faisait 2 semaines. Et ri, oui, tu viens de rentrer, ouais, je viens de rentrer dans la religion, miskin, lui, il croit qu'il va trouver le raha, mashallah, l'ukhuwa, le mahabba. Il commence quoi? T'es dans un pays mécréant, mon frère, t'as pas le droit de rester ici, t'as pas le droit de manger à côté des koufars. Regarde, il y a un hadith, il connaît même pas sharh al-hadith. Et un hadith. Et voilà, il a dit ça, le prophète, il a dit, celui qui meurt dans un pays mécréant, il aura pas l'intercession du prophète. Miskin, il est traumatisé. Il rentre chez lui, il va voir ses parents, vous êtes des koufars, je dois partir, je dois pas rester avec vous. C'est un converti. Il va aller où? Au Maroc. Il va aller en Algérie, un converti, il sait même pas parler l'arabe, il va arriver là-bas, déjà, diwana, ils vont lui dire quoi? D'où tu viens, toi? Je viens faire l'exil, l'immigration. J'étais dans un pays mécréant, je viens chez vous. Et les gens, ils disent, subhanallah, al-adim. Wallah, al-adim, ils sont dans un autre monde, misakin. Wallah. Pourquoi? Moi, je les appelle ceux-là, comment, vous savez quoi? Wallah, al-adim, les orphelins de la religion. C'est les orphelins de la religion. C'est quoi un orphelin? Il grandit, il va être éduqué, un orphelin, bi-idnillah. Lakin, il a pas de père et de mère. Hein? Et comme il y en a qui disent, hein, machin, le proverbe, ils disent, génération sans père et mère, c'est génération sans repère. Ils ont pas de repère aussi. C'est des orphelins de la religion. Ils ont appris que quoi? Dans Internet, ou en lisant quelques livres, ou quelques fêtois. Ils ont jamais eu quelqu'un qui va les conseiller, qui va prendre en considération la réalité des choses, qui a de l'expérience, qui a étudié avec un shir, qui a pris, il y en a des paroles pas que d'un ou de trois ou de 10 savants, des contemporains des anciens, et regarde ici, il y en a contextualise les situations, et c'est, non, c'est génération sans repère. Wallah. Et c'est ce qu'on voit maintenant au jour d'aujourd'hui. Des misakin, wallah, et des orphelins de la religion. Allah al-musta'an. À la kulli hal, on revient concernant, il y en a al-hijra, bien que le temps, il y en a, sont passés hein, pour rentrer dans les détails, mais à la coulée. Il faut savoir qu'il y a une hijra qui a été abrogée. Une hijra qui a été abrogée. D'accord? Quand on parle de an-nasikh ou al-mansoukh. D'accord? Il y en a l'abrogé et l'abrogeant. D'accord? L'abrogeant et l'abrogé. D'accord? Ça concerne les versets coraniques, ça concerne aussi les hadiths. D'accord? On a vu ça dans Usul al-Fiqh. Et ici, concernant un hadith, il y a un hadith qui parle d'une situation spécifique, d'accord, et qu'on ne doit plus prendre en compte. C'est le hadith yani, où le prophète a interdit al-hijra. D'accord? Il a interdit al-hijra. Mais cette hijra qu'il a interdit, qu'on va voir dans les détails, c'est la hijra de la Mecque à Médine. D'accord? Il a dit qu'il n'y avait plus de hijra après cette hijra-là. Ça ne veut pas dire que plus personne doit faire la hijra. Il parlait de cette situation bien spécifique, de la Mecque à Médine. Vous savez, quand ils ont pris, alhamdoulilah, le monopole, l'islam s'est répandu, comme on va voir dans les détails, il a dit à plus de hijra. Mais quelle hijra il parle? De la Mecque à Médine. Ça veut dire maintenant rester à Mecca. Parce que ça, ils avaient pris Mecca. Donc il n'y a plus besoin de faire la hijra de la Mecque à Médine. Quelqu'un qui va prendre le hadith, il va dire, prophète, il a dit, il n'y a plus de hijra après cette hijra-là. Il parlait de quelle hijra? La hijra de la Mecque à Médine. Il n'y a plus de hijra où? De la Mecque à Médine. Parce que ça, à la Mecque, il y avait des musulmans. Pourquoi tu vas hajar la Mecque? Et les gens, ils vont dire, maintenant, ça, il a dit, il n'y a plus de hijra. Après cette hijra-là, donc on ne doit plus partir même de la France, même de l'Allemagne, même de Abadan. Donc il faut faire attention à l'explication des hadiths. D'accord, on va voir, il y en a dans les détails. Et c'est pour ça les savants, ils ont dit, et ça je reprends les paroles d'un cher connu, contemporain, qui est Abdurrahman al-Adani, hafidhahullah ta'ala, qui dit, il y a une hijra spécifique. D'accord? Donc cette hijra spécifique, c'est de la Mecque à Médine. Donc, et il est connu que al-hijra vers Médine avant la conquête de la Mecque était obligatoire pour les musulmans. Et qu'il était obligatoire pour les musulmans de la Mecque. Et d'ailleurs de résider à Médine afin d'aider le prophète alayhi salatu wa salam et de le soutenir. C'était obligatoire. Tout le monde devait partir de la Mecque à Médine. À l'époque. D'accord? Ensuite il dit al-shaykh rahimahullah ta'ala. Donc ceci avant la conquête de la Mecque dans plusieurs versets. Au point qu'il a coupé les liens entre ceux qu'ils avaient fait l'hijra et ceux qui ne l'avaient pas fait. Allah azza wa jalla dit. Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Donc Allah Azza wa Jalla, il parle de ceux qui ont fait les hijras et ceux qui les ont accueillis. Dans le Coran al-Karim, il dit, quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, malgré que tu aies cru, et qu'ils n'ont pas émigré, Allah Azza wa Jalla dit sur eux, ils ne sont pas vos alliés jusqu'à ce qu'ils émigrent. Jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, portez leur secours. Mais par contre, un peuple auquel vous êtes allié par un pacte, et Allah observe parfaitement ce que vous faites, surat al-Anfal, verset 72. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de quoi? De ceux qui ont émigré et ceux qui sont restés. Et il a mis en garde sur le fait de rester. Il parle de qui? Il faut contextualiser les versets coraniques. C'était à l'époque de Mecca à Al-Madinah. Donc c'était obligatoire de hajar, donc de Mecca jusqu'à Al-Madinah. Ainsi cette hijra spécifique, celle dont le hukm, le jugement et l'obligation, a été abrogée par sa parole. Il n'y a pas de hijra après la conquête, mais seulement le jihad et l'intention. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, donc il a dit dans Sahih al-Bukhari, il a dit il n'y a plus de hijra après la conquête. Il n'y a plus de hijra. D'accord? Ça concerne quoi? Al-Bukhari a rapporté dans son sahih, d'après Atta ibn Abi Rabah, moi ainsi que Ubayd ibn Umar al-Layfi, rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu, nous visitâmes Aïcha et nous l'interrogeâmes sur al-Hijra. Elle dit alors, il n'y a plus de Hijra aujourd'hui, les croyants fuyaient avec leur religion vers Allah et son messager, par peur d'être torturés pour la religion. Aujourd'hui, Allah a rendu l'islam victorieux et aujourd'hui l'individu peut adorer son Seigneur où il plaît, cependant il reste, donc elle a dit Aïcha radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu, le jihad et l'intention. D'accord? Donc Aïcha a précisé que quoi? Que c'était à l'époque. Maintenant que la Mecque est musulmane, il n'y a plus besoin de hajar. D'accord? Ça, c'était pour l'époque. Donc ça a été abrogé. On est d'accord sur cela. Quant à al-hijra générale, ça c'est spécifique, il faut connaître ça. Et maintenant, al-hijra générale, donc elle demeure, comme on dit les savants, jusqu'au jour dernier. Et les savants, parmi eux, l'imam Malik, Ahmad ibn Hanbal, l'imam Shafi'i, ils ont dit quoi? Ils ont dit que al-hijra, c'était aussi, ils ont été loin, ils ont dit c'était le fait de quitter un pays où on combattait la sunna et on était contre la sunna et les innovations étaient répandues et avaient pris le dessus. On devait quitter ce pays obligatoirement aussi. Et ils disent où tu ne peux pas montrer la sunna ouvertement et les innovations, bien que ce soit à la base un pays musulman, mais les innovations ont pris le dessus et on ne te laisse pas propager la sunna. Ils disent tu dois ici faire l'exil obligatoirement. D'accord? Et il a cité aussi ça, Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala. Et ceux qui sont contre cet avis-là, parmi eux, il y a, parmi les contemporains, l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, qui dit non, ce n'est pas obligatoire. Si par exemple tu es dans un pays musulman, d'accord, et l'innovation est répandue, et on ne te laisse pas appliquer la sunna ouvertement, comme dans certains pays, et ils disent que ce n'est pas obligatoire pour toi de hajar ce pays. D'accord? Donc ça, c'est un khilaf entre savants. À la kulli hal, je ne détaille pas, rentre pas dans les détails concernant tous les avis juridiques. Le principal, moi, ce que je conseille à mes frères et à mes sœurs, c'est qu'à partir du moment, de façon générale, où on est dans un pays, n'importe quel pays, où on ne peut pas appliquer bien sa religion ouvertement, Et on a un autre pays où on peut appliquer sa religion ouvertement. Donc, à ce moment-là, c'est obligatoire pour nous de faire l'immigration. Amma, quand tu es dans un pays qui est même non musulman, où tu peux appliquer ta religion ouvertement, c'est-à-dire appliquer les actes obligatoires, al-wajibat, comme la prière, comme al-jumu'ah, comme al-zakat, comme on dit les savants, comme faire le pèlerinage, partir de ce pays non musulman pour faire le pèlerinage, comme faire le ramadan, tu peux appliquer ces ordres divins et prophétiques ouvertement, et que alhamdulillah, en plus de ça, tu sers à quelque chose pour la propagation de la religion, à ce moment-là, dans ce cas, les savants, comme Al-Lajna Da'ima, donc c'est-à-dire le comité des savants d'Arabie Saoudite, ainsi que Charles Uthaymin, rahmatullahi alayhi, ils ont dit, tu peux rester dans cet endroit-là, ça c'est clair, donc dans cette situation-là. Donc ici, c'est pour ça que j'enjoins d'être très bénéfique pour enlever sa responsabilité, Amam Allahi Azza wa Jal, quand on est dans un pays non-musulman, en montrant le bon comportement, respectant les non-musulmans, car Allah Azza wa Jal ne nous a pas interdit, bien au contraire, de nous comporter bien avec les non-musulmans, bien au contraire, on doit montrer la vraie face de l'islam, la vraie religion. Et alhamdoulilah, on voit que c'est bénéfique. Combien de Français en France ont embrassé l'islam? S'il n'y aurait pas un musulman ici, comment ils auraient embrassé l'islam? Comment l'islam s'est propagé dans les pays européens? Alhamdulillah, c'est avec ad-da'watu ila Allah azawajal, les musulmans qui sont présents dans ces pays-là. Donc à nous de transmettre cette religion, d'être bénéfique pour la transmission de cette religion-là, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bi-idnillahi tabaraka wa ta'ala, il soit fier de nous, et qu'on ait fait, yani, un des meilleurs travails qu'il y a. C'est-à-dire, الدعوة إلى الله عز وجل. الله عز وجل يزيد القرآن وما أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Et qui profère une plus belle parole, regardez Allah عز وجل, qui profère et qui dit une plus belle parole que celui qui appelle à Allah, celui qui appelle à Allah عز وجل et œuvre, applique, d'accord, وعمل صالحا, et qui accomplit les œuvres salutaires. Donc ça suffit pas d'appeler les gens, il faut que tu appliques aussi. Et qui applique les œuvres salutaires, wa qala innani minal muslimin, et qui dit je suis parmi les musulmans. Donc on voit que ad-da'watu ila Allah, c'est un travail noble, car c'est le travail de al-anbiya wa ar-rusul, d'accord, qu'Allah azza wa jal leur fasse miséricorde à tous. Inch'Allah ta'ala, wallahu ta'ala a'lamu ahkam, wa sallillahum wa sallim wa zidu barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.